30, New Bedford 10, Caracas 24. Arc-en-ciel. Chers auditeurs, Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Bonjour à toutes, nous sommes déjà le dimanche et les 13h30 passées, voici donc bien le retour avec l'accordéon pendant quelques heures. Voilà donc aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée, tout simplement. Et j'espère que vous allez continuer tout simplement l'après-midi, tout simplement en forme avec la musique. Mais vous savez que la musique, eh ben, ne bouge pas, elle est toujours là pour vous faire plaisir, que ce soit l'hiver, le printemps, l'automne, tout ça. La musique est toujours là. Voilà donc, eh bien, je vous laisse tout simplement avec la Paloma Banca, avec Erika. Et puis, juste après, le titre s'appelle « Toi, l'amour de ma vie » avec Michel Pruvot. Voilà donc, eh bien, je vous souhaite de passer bon après-midi, tout simplement, écoute d'arc-en-ciel l'accordéon. apparut soudain la première fois. À l'instant j'ai su tu serais tout pour moi. L'étoile des troubadours. Voici donc la valse. Voici donc la première, c'est Yvette Turner. Et la deuxième, valsons comme la bourrée. Thank you.

Arc-en-ciel, un amour de la femme. Arc-en-ciel, c'est aussi ça. Sur la plage à s'amuser. Sous soleil espagnol. On ne pense qu'à draguer et relancer. Les filles sont jolies et le sable bien doré. Quel plaisir de siroter les bons cocktails glacés. Sous le soleil espagnol, le bonheur est là pour nous griser. Plage à s'amuser. Sous le soleil espagnol, on ne pense qu'à draguer et danser. Les filles sont jolies et le sable bien doré. Quel plaisir de siroter les bons cocktails glacés. Sous le soleil espagnol, le bonheur est là pour. Voilà donc après Michel Proux sous le sel, tout savant d'Espagne, voici donc Émile Prudhomme Polka. We'll be right back.

d'amour. Encore un matin à survivre sans toi. Je voudrais que tu sois près de moi. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. toutes. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, un amour de la femme. Musette chaud et puis juste après de la valse. voici donc la musette des Alpes, et puis juste après notre morceau de valse. Valse musette. Thank you. commencer avec la valse. Voici la valse brune avec Aimable. La fête entre nous et puis juste après du Fox. Allez les amis, tapez dans les mains, on va faire la fête entre nous. Vous êtes prêts? C'est parti! Tapez dans les mains, chantons à tue-tête, on va faire la fête entre nous. Tapez dans les mains, chantons à tue-tête, on va s'éclater comme des fous. Un petit coup c'est agréable, voir un petit coup c'est nous, mais il ne faut pas rouler deux sur la table, voir un petit coup c'est agréable, voir un petit coup c'est nous, un petit coup la la la, un petit coup la la la, un petit coup c'est nous, c'est avoir un bras, c'est avoir. Sans égard, c'est la femme, nous serions tous des frères. Ah, la tienne est tienne, ah, la tienne, mon vieux. Sans égard, c'est la femme, nous serions tous heureux. Chevalier de la table ronde, tout en voix, si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, tout en voix, si le vin est bon. Tout le long du chat noir,

tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc du côté du Picardie, avec tout simplement les roses du Picardie, et puis juste après, la polka. Ben donc après la samba, voici donc du Sertaki. Voici donc une valse avec tout simplement sous le ciel de Paris. Voici donc le Madison. Avec Stéphanie Rodriguez. Et puis juste après, du tango. chanson, l'accordéon. eh bien, l'émission touche à sa fin. Voilà donc, eh bien, on va terminer l'émission avec le Fiesta. Voilà donc, eh bien, on se retrouve donc, eh bien, dimanche prochain, ainsi mardi à partir de 13h30. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Donc, on termine l'émission avec la Fiesta. altura em que são 15 horas em Portugal Continental e na Madeira, são 14 horas nos Açores. Esta ronda 15 do Campeonato de Hóquei em Patins só vai ficar completa na próxima quarta-feira, quando o Hóquei de Braga receber o Futebol Clube do Porto a partir das 9 da noite. Dois resultados finais nesta ronda do Hóquei em Patins. De ontem, o Passo de Arcos bateu a Juventude de Viana por 2-0 e o Famalicense derrotou o Sporting Tomar por 7-2. Desporto, Antena 1. Vamos abrir os cenários dos jogos das 3:30 da tarde da Liga Principal. Vamos começar pelo estádio de honra do Complexo Desportivo do Jamor em Oeiras, onde vai jogar Casa Pia e Santa Clara.